Bonjour. Nous allons commencer. Alors, conformément à l'article N2122-8 du Code général des collectivités territoriales, en tant que doyenne des membres du Conseil municipal élu le 22 mars 2026, j'assurerai la présidence de cette séance d'installation jusqu'à l'élection du maire. Tout d'abord, je déclare installés dans leurs fonctions de conseillers municipaux les élus suivants: Édouard Desnoël, Laurent Lolo, Frédéric Lorraine, excusez-moi, Frédéric Gabin, Youra Kanta, Youssra, Roussra. Là, je pense que Chouki Adal, Huguette Pate, Nico Pavalosevic, Mona Belli, Jean-Claude Oliva, Anne de Rogui, Raïm Accour, Camille Ledouaron, Grégoire Ossavi, Aude-Marie Lalanne Berdoutic, Iliès Arabe, Assia Réboui, Clément Turbelin, Mireille Ronache, Jean-Philippe Carlin, Bayan Touazini, Quentin Balin, Céleste Baudot, Adrien Liénard, Fatoumata Diaby, Brahim Beramdam, Edith Félix, Baptiste Hervy Gelin, Anissa Cara, Grégoire de la Gastanerie, Salomé Saïa, Alban Fourny, Tiffany Génin, Johan Maussan, Tony Di Martino, Elam Cher, Pierre Vionnet, Marie-Catherine Ondois, Mohamed Jenan, Angeline Desbordés-Silly, Cédric Pape, Carole Desnaux, Denis Barjot, Solène Burlet, Le Boris. Conformément à l'article L2121-15 du CGCT, un secrétaire doit être désigné pour l'élection du maire et des adjoints. Je vous propose de désigner Madame Anne de Rogy pour assurer le secrétariat de la séance. Êtes-vous d'accord? Oui. Madame Anne de Rogy est donc désignée secrétaire de séance. Je vais désormais procéder à l'appel nominal des conseillers municipaux. Alors, commence. Je vous remercie de répondre présent ou de lever la main à l'appel de votre nom. Édouard Desnoël, Lorraine Lolo, Frédéric Gabin, Youra Kakan, Youssra, excusez-moi, Chouki Haddad, Huguette Pate, Nico Pavolosvic, Mona Belli, présente. Jean-Claude Oliva, présent. Anne de Rogui, présent. Brahim Accour, présent. Camille Ledouaron, Grégoire Ossavi, présent. Aude-Marie Lalanne Berdoutic, présent. Iliès Arabe, présent. Assia Réboui, Clément Turbelin, présent. Mireille Ronache, présent. Jean-Philippe Carlin, Baya Touazni, Quentin Balin, bonsoir. D'accord. Adrien Liénard, Fatouma Diaby. D'accord. Brahim Beramdam. Edith Le Félix. Baptiste Hervy Gelin. Anissa Cara. Grégoire de la Gasnierie. Salomé Saïa. Alban Fourny. Tiffany Génin. Johan Moisson. Tony Di Martino. Elam Cher. Présent. Pierre Vionnet. Présent. Marie-Catherine Ondois. Mohamed Jenan. Angéline Desbordés-Sély. Cédric Pape, Carole Desnoux, présente, Denis Barjot, Solène Burget, Le Boris, Bullet, excuse-moi. Si je puis me permettre, vous avez oublié de citer mon nom. Donc Céleste Baudou. Et Céleste, elle est où? Céleste Baudou, excusez-moi. J'ai reçu la... Je constate que le quorum est atteint. J'invite maintenant le conseil municipal à procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en l'application des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Je propose également au conseil municipal d'être assisté pour le dépouillement des votes par deux assesseurs, M. Brahim Akour et Mme Bullet. Le Boris. Ils seront aidés par deux membres de l'administration qui ne font pas partie du bureau. Alors, donc, du coup, quels sont les candidats aux fonctions de maire ? J'ai reçu la candidature de M. Édouard Desnoël. Y a-t-il d'autres candidats ? Nous allons procéder au vote. J'invite les conseillers municipaux à écrire le nom du candidat et à qui ils souhaitent accorder le suffrage sur le bulletin vierge qui leur a été remis. Un agent de l'administration va circuler avec l'urne. J'invite les élus déposant d'un pouvoir à signaler à l'agent administratif. Je vous remercie. Les membres du bureau vont désormais après procéder au dépouillement après. Ah, d'accord. OK. Est-ce qu'il y a des prises de parole ? Oui ? Oui. Lorraine. Je peux prendre la parole maintenant ? Je ne sais pas. On ne m'a pas dit. Oui. Je demande quand même l'autorisation de la présidente. Bonjour à toutes et à tous, chères bagnoletaises, chères bagnoletées, chers voisins, voisines, chers soutiens, chers proches. Tout d'abord, merci d'être venus en grand nombre aujourd'hui. J'ai animé pas mal de meetings pendant la campagne, donc ça faisait un peu sens que je prenne la parole aujourd'hui avant l'élection du maire. Je serai brève, rassurez-vous. Tout d'abord, je souhaitais juste rappeler trois points qui me tenaient à cœur, trois points qui ont dirigé notre campagne. On a fait campagne sur le thème du rassemblement, c'est-à-dire on a cherché à faire une campagne qui ne divise personne, parce que malgré le fait qu'on a été la cible d'une campagne raciste, il faut le dire les termes, nous on a souhaité rassembler. Notre victoire a été sans appel, mais elle n'aurait pas été possible sans le collectif qui est dans la salle aujourd'hui et qui est autour de la table. Un collectif qui représente tous les âges, toutes les classes sociales, qui n'oppose pas les gens, qui rassemble les quartiers populaires, les centres-villes, les bobos, comme on dit, aux personnes les plus discriminées. On a voulu aussi faire de Bagnolet une ville qui donne l'exemple. Dès demain, même dès cet après-midi, on sera au travail pour vous rendre fiers. Dans cette élection, que ce soit au niveau national ou au niveau ou en Seine-Saint-Denis, les quartiers populaires ont pris toute leur place. Toute la France nous regarde. Et à Bagnolet, on vous l'assure, on sera à la pointe des luttes d'émancipation et en soutien des luttes tant syndicales, associatives qu'internationales, de la Palestine à l'Ukraine, du Congo au Soudan, en passant par Porto Rico. Bagnolet sera aussi une ville qui combat. On luttera pour défendre le service public, le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Mais on fera aussi en sorte de mettre Bagnolet sur la carte, en faisant d'elle une ville exemple, une ville référence en Seine-Saint-Denis, mais aussi un laboratoire de la gauche. Parce que vous l'avez vu, il n'y avait pas de liste de droite, mais on fera vraiment en sorte que cette ville soit un rempart aux fascistes, qu'elle soit une ville antiraciste, antidiscrimination. Et j'ai confiance, nous serons un territoire qui résiste. Merci. Je passe la parole à Madame Pat. Alors, bonjour à toutes et à tous, chères Bagnoletaises, chers Bagnoletais. Un grand merci de nous avoir élus. Nous serons à la hauteur de notre programme. Je vais essayer de faire un discours. C'est hyper impressionnant d'être là face à vous toutes et tous. Donc, je vais essayer de faire un discours et de parler tranquillement, sans bafouiller. La représentation des femmes en politique arrive tardivement en France. L'établissement des quotas au sein des conseils municipaux, c'est 1989. C'est seulement en l'an 2000 que la loi prévoit une égalité obligatoire des candidatures et une alternance des candidats de chaque genre sur les listes, soit un homme, une femme, un homme, une femme. Grâce à cette alternance, depuis 2024, les femmes occupent 48% des mandats de conseillères territoriales et régionales. Il aura donc fallu attendre le 21e siècle pour obtenir une telle présence féminine en politique. Les femmes, aujourd'hui, sont légitimes. Pour autant, lors des conseils municipaux, la parole des femmes reste invisibilisée et particulièrement inégale. Nous veillerons à réglementer les temps de parole des femmes, de l'alternance au sein du conseil municipal et lors des réunions. Tout au long de notre mandat, nous mettrons en place des formations VSSS afin de combattre les violences sexistes et sexuelles. L'inceste, qui représente 3 enfants par classe aujourd'hui, le harcèlement et toutes les formes de discrimination. Ces projets de lutte contre les discriminations seront défendus et portés dans l'éducation, dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les lieux et les espaces culturels de la ville. La prévention, l'égalité et la justice seront nos feuilles de route. Je terminerai par une citation d'une grande dame, Rosa Parks, qui disait « Vous ne devez jamais avoir peur de ce que vous faites, quand vous faites ce qui est juste. » Passe la parole à Madame de Rugy. Merci. Mesdames et messieurs les élus, chères Bagnoletaises, chers Bagnoletais, je m'associe d'abord aux remerciements de mes collègues et je voudrais ajouter quelques mots au nom des élus de Bagnolet Collectif. Après une campagne difficile parfois, joyeuse souvent et vivante toujours, les urnes ont parlé. Le résultat est sans appel. Les Bagnoletaises et les Bagnoletais ont voté pour le changement et donné une majorité claire, 52%, à la liste Bagnolet collectif conduite par Édouard de Noël. Ainsi, une nouvelle étape s'ouvre pour Bagnolet. Comme à l'Île-Saint-Denis et à Romainville, où les maires écologistes, Mohamed Nabali et François Dechy, sont reconduits, Bagnolet devient, avec Villepinte et l'élection de Mélissa Youssouf, une ville écologiste. Dans ces quatre villes de Seine-Saint-Denis, c'est l'écologie qui réunit la gauche, fait trait d'union et apporte un espoir de changement. Ce résultat nous oblige. En effet, les défis qui nous attendent sont immenses. Défis écologiques d'abord. À Bagnolet plus qu'ailleurs, la pollution et le bruit dépassent très largement les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Ces nuisances environnementales touchent particulièrement les quartiers populaires qui jouxtent périphériques ou autoroutes urbaines. À Bagnolet plus qu'ailleurs, le béton a recouvert la ville, devenue aujourd'hui particulièrement sensible aux pics de chaleur urbains et aux canicules, dans l'espace urbain comme au sein de logements souvent mal isolés. Face à cela, nous sommes déterminés à agir pour adapter la ville au réchauffement climatique, la rendre plus verte, plus fraîche, plus vivable, isoler les logements et les bâtiments publics et améliorer le cadre de vie des habitantes et des habitants. Le défi est démocratique ensuite. Même si le taux d'abstention a baissé entre les deux tours dans notre ville, la moitié des inscrits sur nos listes électorales n'ont pas voté dimanche. C'est le signe d'une immense défiance politique qui traverse tout le pays, mais concerne aussi notre ville. Nous devons regarder en face cette crainte légitime de voir la politique impuissante à changer la vie et de voir l'intérêt général trop souvent oublié au profit des intérêts particuliers. Notre devoir est donc de rendre le pouvoir aux habitantes et aux habitants, d'être à l'écoute de leurs besoins et d'être des élus exemplaires de terrain proches des habitants. Enfin, le défi est économique, social et à Bagnolet financier. On connaît l'importance croissante, hélas, des inégalités dans notre pays, l'inflation qui pèse sur les dépenses du quotidien, la précarité qui touche de nombreux ménages. Face à cela, nous défendrons les services publics, nous les renforcerons et nous en améliorerons le fonctionnement. Les défendre et améliorer leur fonctionnement, c'est défendre le droit aux soins, le droit à un logement en bon état et digne, le droit à la culture et au sport, le droit à l'éducation, le droit à l'alimentation saine, le droit aux vacances, le droit de bien vivre à Bagnolet. En outre, la situation financière de la mairie exige des élus exemplaires, rigoureux et transparents dans leurs pratiques et dans leurs choix. Face à l'ampleur de ces défis, l'humilité s'impose. Nous sommes humbles mais déterminés à changer le quotidien de notre ville et à lui rendre sa fierté. Nous sommes unis pour agir, nous sommes prêts à nous mettre au travail. Merci. Nous allons procéder au vote. J'invite l'administration à faire circuler l'urne. À voter. À voter. Carole Desnou, à voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. J'entends pas. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Pierre Vionnet. À Vionnet. À voter. À voter. À voter. À voter. C'est moi. À voter. À voter. Voilà, j'invite les élus disposant d'un... c'est ça, hein? Les assesseurs. J'invite Solène Bullet, le Boris et Brahim Akour à procéder au dépouillement. Oui. Monsieur Édouard de Noël. Édouard de Noël. Édouard de Noël. Édouard de Noël. Abstention. Blanc. Blanc. Blanc. Abstention. Blanc. Blanc. Blanc. Édouard de Noël. Édouard de Noël. Abstention. Édouard de Noël. Édouard de Noël. Édouard de Noël. Édouard de Noël.

Le maire prend désormais la présidence de l'Assemblée. Bien. Chères bagnoletaises, chers bagnoletais, chers agents, chers amis qui sont venus si nombreux et nombreuses aujourd'hui, monsieur le député de la 7e circonscription de la Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière, je voudrais commencer mon propos par vous dire, bien sûr, la fierté et l'esprit de responsabilité qui sont les miens ce matin en devenant votre maire. Mais je vais prendre surtout un instant pour adresser des remerciements chaleureux, très chaleureux, à l'ensemble des électrices et des électeurs qui se sont mobilisés les 15 et 22 mars derniers. Aux 5057 électrices et électeurs qui ont permis à notre liste, Bagnolet Collectif, de remporter ce scrutin et de présider à la destinée de la commune, je réaffirme toute notre gratitude. Je salue, bien entendu, la liste Bagnolet Unie conduite par Tony Di Martino. Et à ces remerciements, je souhaite associer l'ensemble de celles et ceux qui, de près ou de loin, ont participé à cette campagne, à notre campagne, en ayant, bien entendu, une pensée toute particulière pour mes proches, compagnes, enfants, pour leur soutien et surtout pour leur immense patience. Merci beaucoup. Durant cette campagne, nous avons entendu et nous avons répondu à une demande forte, celle d'un changement de cap, d'un changement de méthode, d'un changement de pratique et d'une rupture. Une rupture avec une certaine façon de faire de la politique. Nous avons mené une campagne longue, particulièrement longue, une campagne active, une campagne joyeuse, tu le disais, Anne, une campagne innovante aussi, une campagne centrée sur les questions de fond qui intéressent au quotidien les bagnoletaises et les bagnoletais. Et de ce point de vue, ce fut une réussite. Au terme du scrutin, à l'issue d'un second tour au déroulement particulièrement inattendu, il convient de souligner qu'à la fin, c'est la démocratie qui l'a emporté. Les électrices et les électeurs ont refusé d'être privés de cette élection, ils ont surtout su répondre présent pour préserver un principe démocratique élémentaire. La liste qui obtient le plus de voix choisit un maire, une équipe dont le projet s'applique. Désormais, fort de ce résultat, à nous, avec vous, de redonner sa fierté et sa réputation à Bagnolet. Si j'emploie ces mots de fierté et de réputation à dessein, c'est que cette campagne a également mobilisé des forces réactionnaires qui ont voulu salir notre ville et ses habitants. C'est intolérable et nous ne le laisserons plus faire. Face aux mensonges, face à la calomnie, face aux messages viraux qui ont tenté de flétrir la réputation de Bagnolet, je vous annonce que désormais, la ville portera systématiquement plainte contre celles et ceux qui portent atteinte à la dignité de ses habitants, de ses agents et de son tissu associatif. Sur une note d'espoir, nous pouvons constater que cette victoire démontre que ces idérances peuvent être combattues, qu'elles doivent être combattues, et qu'on ne doit pas reculer d'un pouce dans un contexte national de progression constante de l'extrême droite. Quand on tient bon, à la fin, ces idées, ces propos sont mis en échec. Il me semblait utile de le rappeler pour la sérénité de nos débats à l'avenir et surtout pour l'avenir de notre ville. J'évoquais il y a un instant une rupture dans la manière d'exercer le mandat municipal. Dès aujourd'hui, vous aurez un maire et une équipe municipale à l'écoute, au travail, pour un vrai travail collectif, une équipe municipale respectueuse, très respectueuse des agents de cette ville, un maire sur le terrain, tous les jours, au plus près de la population. Vous nous avez vus en campagne, beaucoup, longuement, partout, chaque jour, et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Nous allons continuer à venir à votre rencontre, au pied de chaque immeuble, dans chaque commerce, auprès de chaque association. Et nous allons continuer à nous adresser à vous très régulièrement, comme on a pu le faire au cours des 6 derniers mois. Nous avons besoin, un besoin impérieux d'expliquer chaque jour la politique menée à Bagnolet, ses enjeux, les décisions prises et surtout vous écouter. Dans cette campagne, on a porté des propositions sur l'éducation, notamment sur le plan lecture que nous allons rapidement initier. Des propositions concernant le logement et cette brigade de médiation du logement que nous allons mettre en place rapidement. Concernant aussi la vie associative avec cette nouvelle maison des assos, concernant encore la culture, les circulations apaisées, et j'en passe. Vous le savez, les défis sont nombreux, extrêmement nombreux. Et le premier, je le redis, c'est de rendre sa fierté à Bagnolet. Un autre de ces défis, c'est de pouvoir, mettre sereinement en œuvre le programme pour lequel vous avez majoritairement voté. Et pour cela, il faut faire face aux enjeux financiers qui se posent à notre ville. Au cours du mois d'avril, nous allons présenter le rapport d'orientation budgétaire et le budget qui ont été préparés dans l'ancienne mandature. Et nous allons, par la même occasion, vous présenter de premiers arbitrages. Mais à tout cela, devront s'ajouter bien rapidement un audit financier complet de la commune avec une méthode simple. L'ensemble de la population sera associé aux résultats et aux décisions qui devront être prises à l'issue de cette analyse financière. J'y reviendrai devant vous très prochainement. Autre défi, celui de faire face aux décisions prises par l'État. Je n'en cite qu'une aujourd'hui, puisque parents d'élèves d'élémentaire et de maternelle sont particulièrement mobilisés. L'État, à Bagnolet, veut fermer 10 classes dès la rentrée qui vient. Ça n'est bien sûr pas que Bagnolet. Vous le savez que la Seine-Saint-Denis attend un plan d'urgence pour l'éducation et c'est un plan d'austérité qui lui est proposé. Dans toutes les communes de France, des classes vont fermer. Le bilan va être particulièrement lourd à Bagnolet. On se battra aux côtés de la communauté scolaire, de la communauté éducative pour refuser ces fermetures de classes. Pour mener à bien l'ensemble de nos projets, nous avons besoin du service public. Nous avons besoin des agentes et des agents de cette ville. Nos mandats, à nous les élus, ce sont des mandats qui passent. Ce sont des mandats temporaires. Vous, agents, vous êtes la permanence de la commune. Vous êtes celles et ceux qui, au quotidien, la font fonctionner quoi qu'il arrive. On en a eu la preuve pendant la période Covid. On a encore la preuve cette semaine, pendant une période de transition. La ville fonctionne grâce à vous. On peut compter sur vous dans nos écoles, dans nos gymnases, dans nos rues, et le service public communal sera notre priorité. À nous de retrouver avec vous un dialogue respectueux, à rétablir une égalité de traitement entre les agents. Alors nous serons exigeants, très exigeants, sur la qualité du service public municipal. Il peut et il doit s'améliorer. C'est une attente forte de la population, mais pour cela, nous allons aider les agentes et les agents, les soutenir, les former, valoriser le personnel municipal pour, à la fin, y parvenir. Je retiens deux mots, justice et équité pour le personnel communal, c'est bien le moins qu'il peut attendre. J'aurai l'occasion d'ailleurs... avec mes collègues, au cours de la semaine, le jour reste à fixer, de réunir l'ensemble des agentes et des agents. Vous êtes nombreux, ça sera dans un gymnase. Et on va vous rappeler l'ambition que nous portons pour le service public de la commune. Mais alors que j'arrive au terme de mon propos et que je vois dans ces travées autant de visages amis, je vais prendre un instant pour adresser des remerciements aux élus, aux intellectuels, aux militants nationaux qui nous ont épaulés durant cette campagne. Je pense à Mohamed Nabali, qui ne doit pas être très loin. Cher monsieur le maire de l'Île-Saint-Denis, merci pour ton soutien. Je pense à toi, cher Assa Traoré, qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Mais je pense aussi à Aklimé Louli, à Marine Tondelier, à Éric Coquerel, à Bali Bakayoko, pour lequel je souhaite un tonnerre d'applaudissements vu... Merci pour lui au vu des 10 premiers jours qu'il vient de passer dans son mandat. C'est solidaire que nous ferons face à ces campagnes réactionnaires. Je remercie donc Bali Bakayogo, Ahmed Lawedj, Fatima Ouassak, Sabrina Sebaï, Élise Thiébaud, Violaine Lucas, Alice Coffin, Zouina Medour, Sergio Coronado et tant d'autres, qu'ils soient avec nous par la pensée ou ici aujourd'hui. Merci pour leur soutien. Pourquoi est-ce que je les cite, au-delà des remerciements? C'est parce que c'est ça notre ambition. C'est de travailler chaque jour à leur côté et aux côtés d'autres figures de la gauche, unies, progressistes, écologistes, au service des habitants de notre ville. Un dernier mot. C'est un honneur immense de devenir votre maire. Un honneur et une gratitude intense. Une responsabilité tout aussi immense, mais vous l'aurez compris, nous sommes un collectif. Aujourd'hui, ce n'est pas la victoire d'un homme, c'est celle d'une équipe. C'est vraiment celle d'une équipe, composée de tant de visages qui représentent notre ville dans l'ensemble de sa diversité. Cette équipe, notre équipe, elle se met dès à présent au travail pour Bagnolet. Je vous remercie. Bien, merci à nouveau. Nous allons désormais passer à la détermination du nombre d'adjoints. Vous savez que le Conseil municipal doit d'abord donc fixer ce nombre d'adjoints. En l'application des articles L2122-2, L2122-1, L2143-1 du CGCT et conformément aux délibérations antérieures, je vous propose, lors de ce Conseil municipal, de fixer le nombre des adjoints à 16. Donc 4 adjoints de quartier. Je vais donc soumettre la délibération au... Donc, vous allez recevoir une liste ordonnancée de 16 adjoints. Monsieur le maire, pardonnez-moi, est-ce qu'on peut prendre la parole avant de procéder à l'élection des adjoints? Mais je vous en prie. Merci bien. Monsieur le maire, mes chers collègues, chers Bagnoletaises, chers Bagnoletais, dimanche dernier, les Bagnoletaises et les Bagnoletais ont choisi de porter leur suffrage sur la liste Bagnolet collectif. Nous prenons pleinement acte de ce résultat et nous vous adressons nos sincères félicitations républicaines. Nous souhaitons également remercier chaleureusement les 4500 électrices et électeurs qui nous ont accordé leur confiance lors de ce scrutin. Au nom de l'ensemble de mes colistiers, je tiens à saluer et remercier Tony Di Martino pour son engagement au service de Bagnolet durant ces 12 dernières années. Au-delà des débats et des désaccords qui ont pu exister, je veux ici reconnaître pleinement le travail accompli. Bagnolet a connu des transformations importantes de renouvellement urbain ou de sauvegarde des services publics qui ont été maintenus ou développés dans un contexte pourtant contraint pour les collectivités locales. Je salue son investissement et son attachement profond à notre ville. Je veux également souligner la constance de son engagement au service des Bagnoletaises et des Bagnoletais dans des moments faciles comme dans les plus difficiles. Cet engagement, c'est celui d'une vie consacrée à l'action publique et à l'intérêt général. Le temps de la campagne est désormais terminé. Je ne peux néanmoins m'exprimer ce matin sans dénoncer avec gravité le climat de violence qui a prévalu ces dernières semaines. Ces faits de violence et d'intimidation sont inacceptables, d'autant plus graves qu'ils ont ciblé prioritairement les femmes engagées dans cette campagne. Le débat démocratique est essentiel. Le débat démocratique est essentiel. Il doit être exigeant, il peut être vif. Nous pouvons être en désaccord, mais sans nous disqualifier. Nous pouvons nous opposer, mais sans nous caricaturer. La brutalisation du débat public éloigne toujours plus nos concitoyens des institutions et des urnes. L'abstention massive qui a été évoquée en est un symptôme évident. Plus d'un Bagnoletais sur deux ne s'est pas déplacé pour voter. Ce niveau d'abstention est un signal politique fort. Il dit de la colère sociale, mais également de la défiance démocratique. Nous avons donc collectivement une responsabilité claire, mettre fin à ces dérives, restaurer des conditions de débat dignes et redonner à la démocratie locale sa sérénité. Je veux le rappeler ici avec force, personne n'est adversaire. Nous partageons les mêmes combats pour la justice sociale, l'égalité réelle, la dignité, contre les stigmatisations et les discriminations. C'est ensemble que nous devrons faire dès demain face aux reculs sociaux, à la précarité qui progresse, à la crise du logement ou à la fragilisation des services publics. C'est ensemble que nous devrons mener dès demain les combats contre l'obscurantisme ou l'extrême droite qui menace. C'est ensemble que nous devrons résister aux logiques de division des fauteurs de haine qui stigmatisent nos territoires, nos quartiers, instrumentalisent les peurs et fracturent la République. Pour notre part, nous abordons ce mandat avec détermination. Nous serons des élus exigeants, vigilants et pleinement engagés. Exigeants parce que tous nos concitoyens attendent des réponses à la hauteur des difficultés qu'ils rencontrent. Vigilants parce que le rôle d'une opposition est de garantir l'équilibre démocratique, la transparence, la qualité des décisions publiques, sans jamais perdre de vue l'essentiel. Défendre et servir les Bagnoletaises et les Bagnoletais. C'est avec ce sens des responsabilités que nous exercerons pleinement le mandat qui nous a été confié. Je vous remercie. Merci. La parole est à Anne de Rugy. Merci pour cette intervention. Effectivement, de notre côté, nous avons pu aussi ressentir une violence. Disons que le débat politique allait trop loin, jusqu'à la calomnie même. Et je crois que le temps n'est pas aujourd'hui de revenir sur ces éléments. Effectivement, comme ça a été dit, le temps est à l'apaisement. Le temps est à réunir Bagnolet, à défendre la ville et l'intérêt de ses habitants. Et puis, comme ça a été dit aussi, le temps est à résister, je dirais, à la fois à des politiques nationales que nous réprouvons tous, ça a été dit sur l'éducation, des politiques qui stigmatisent aussi les villes populaires et leurs habitants, une résistance aussi face à un climat raciste, on ne peut pas l'appeler autrement, on a vu ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui en Seine-Saint-Denis et comment Bali Bagayoko a été attaqué sur des critères qu'on pensait dépassés. Donc oui, je crois qu'aujourd'hui, le temps est à l'apaisement, à l'union et à travailler pour Bagnolet et pour ses habitants. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Je n'en vois pas, je vous propose de continuer l'ordre du jour et nous avons donc charge de déterminer le nombre d'adjoints. Il s'agit d'un vote à main levée, 12 adjoints et 4 adjoints de quartier, pardon, pour un total de 16 adjoints, conformément à la mention que j'ai faite de 3 articles du CGCT qui en fixent le nombre. Qui est pour ces 16 adjoints ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est adopté, je vous remercie. Nous avons maintenant charge de déterminer ces adjoints. Une liste a été présentée par la majorité Bagnolet Collectif. Y a-t-il une autre liste qui est présentée ? Je n'en vois pas. Nous allons donc voter à nouveau à bulletin secret avec les mêmes scrutateurs. Je vous en prie. Et l'administration, de la même manière, va faire circuler une urne. La liste est à votre disposition. Et pour voter pour cette liste, vous inscrivez sur le bulletin le nom de la première de liste. La seule liste déposée a pour premier nom Madame Lorraine Lolo. Excusez-moi pour ma rapidité, je vais quand même vous donner lecture des 16 noms qui figurent sur cette liste. Je vais m'y faire. Sur cette liste, et de manière ordonnancée, comme vous le savez, alternant femmes et hommes, figurent Madame Lorraine Lolo, M. Chouki Haddad, Mme Mona Bellil, M. Frédéric Gabin, Mme Camille Le Doiron, M. Grégoire Oussavi, Mme Audemarie Lalanne Berdoutique, M. Alban Fourny, Mme Céleste Baudot, M. Brahim Akrour, Mme Huguette Pat, M. Grégoire de la Gannerie, Mme Yousra Kakan, M. Nico Pavasovitch, Mme Edith Félix, M. Adrien Liénard. Je vous remercie. Juste une question. Je vous en prie. Vous avez prévu de nous diffuser la liste avant le vote ou pas? Alors, a priori, non. Est-ce que vous voulez que je la répète? Non, non, merci. C'est bon? Madame Lolo a voté. A voté. Et a voté pour son pouvoir. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. A voté. À voter. À voter. Pas encore. À voter, Mireille. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter, à voter, à voter, à voter, à voter, et à voter. Le scrutin est clos. Blanc. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Un piège. Blanc. Blanc. Blanc. Blanc. Blanc. Blanc. Blanc. Blanc. Lorraine Lolo. Blanc. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Lorraine Lolo. Eh bien, c'est bon. Bien. Au terme du scrutin, voici les résultats. Nombre de votants 43, nombre de suffrages nuls 0, nombre de suffrages blancs 10, nombre de suffrages exprimés 33, ont obtenu 33 voix. La liste des adjoints conduite par Lorraine Lolo, la majorité absolue étant à 17, la liste de Lorraine Lolo et des 16 adjoints est adoptée. Je vous donne rapidement à nouveau lecture des 16 adjoints qui ont été élus. Madame Lorraine Lolo, Monsieur Chouki Haddad, Madame Mona Bellil, Monsieur Frédéric Gabin, Madame Camille Ledouaron, Monsieur Grégoire Ossavi, Madame Aude-Marie Lalanne Berdoutique, Monsieur Alban Fourny, Madame Céleste Baudot, Monsieur Brahim Makrour, Madame Huguette Pat, Monsieur Grégoire de la Gannerie, Madame Yousra Kakan, Monsieur Nico Pavasovic, Madame Edith Félix, Monsieur Adrien Liénard. Nous allons vous remettre vos écharpes. Bien, vous connaissez désormais le tableau des adjoints, l'ordre du tableau, et je vais vous donner lecture, comme il se doit, de la charte de l'élu local. Donc, conformément à l'article 21-21-7 du CGCT, je procède à la lecture de cette charte, qui est prévue à l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. Et je m'y perds dans mon conducteur. L'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans des affaires qui sont soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Ainsi, il a été pris acte de la lecture de cette charte. Nous allons, dans une dernière délibération, devoir désigner des conseillers de territoire à bulletin secret. Une liste a été établie pour la majorité Bagnolet collectif. Y a-t-il d'autres listes qui sont déposées ? Monsieur Djenan. Non, nous avons une liste à déposer aussi, au nom de Bagnolet Fier et Solidaire. Je la dépose à l'administration. Je vous remercie. Je vais vous, Monsieur Violet. Oui, j'ai déjà déposé une liste à l'administration au nom du groupe citoyen Réussir Ensemble. Alors peut-être que le mieux serait que vous en donniez lecture, que Mohamed Djenan en donne lecture, et que je finisse par donner lecture de la liste de la majorité. Mohamed. Je peux ? Merci. Alors, pour notre liste, elle est conduite par Marie-Catherine Ondois, Solène Bellet-Leboris, Angeline Debord-Sili, Mohamed Jenan, Cédric Pape, Tony Di Martino, Carole Dinou. Bien. Monsieur Vionnet. Oui, nous avons fait une liste courte, conduite par Denis Barjot, suivie par Elam Cher. Je vous remercie. Bien, pour la majorité, je vous donne lecture de la liste que nous déposons. Anne de Rugy, Jean-Claude Oliva, Mireille Renal, Clément Turbelin, Mona Bellil, Alban Fourny, Anissa Cara. Je vous remercie. Il va être procédé maintenant au vote à bulletin secret. Comme vous l'avez compris, ce vote est un vote sur lequel vous inscrivez sur le bulletin le premier nom qui figurait sur l'une des trois listes. Peut-être qu'on peut, pour la clarté des débats, Mohamed, s'il te plaît, redonne le premier nom de la liste que vous déposez. Marie-Catherine Andois. Merci. Pierre Vionnet, le premier nom. Denis Barjot. Parfait. Pour la liste de la majorité, ça sera donc Anne de Rugy. Je vous remercie. Les scrutateurs, on y retourne. Oui, mais que vous le sachiez. À voter. À voter. À voter pour le pouvoir. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Presque. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. À voter. Et à voter. Le scrutin est clos. En fait, c'est comme tu veux. Denis Barjot. Marie-Catherine Ondois. Marie-Catherine Ondois. Marie-Catherine Ondois. Marie-Catherine Ondois.

Bien, je vais vous donner lecture des résultats. Nombre de votants, 43. Nombre de suffrages nuls, 0. Nombre de suffrages blancs, 0. Nombre d'exprimés, 43. Ont obtenu Anne de Rugy, 33. Marie-Catherine Ondoy, 7. Denis Barjot, 3. En conséquence, conformément à l'article L5211-6-2 du CGCT qui dispose que la répartition des sièges entre ces listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sont donc élus conseillers de territoire Anne de Rugy, Jean-Claude Oliva, Mireille Renard, Clément Turbelin, Mona Bellil, Alban Fourny et Marie-Catherine Ondoy. Je vous remercie. Un dernier mot, puisque cette séance prend fin. Un mot pour les élus, déjà. Signez vos feuilles de présence. Signez le PV. Et un message aux amis solidaires de la Palestine. Merci beaucoup. Et solidaires de Shatila. Merci à vous, merci d'avoir rappelé les liens de Bagnolet avec Shatila et notre jumelage. Merci à toutes et à tous pour votre présence. L'ordre du jour est terminé. Je vais me permettre de clôturer la séance et de vous inviter à un verre de l'amitié dans la salle des pas perdus. Merci à toutes et à tous. Merci.